Michel Baire, Le songe de l'empereur. Entouré des grands de ses nombreux royaumes, gardé par l'horreur de ses sombres lauriers, le voyez-vous plus pâle que les fantômes? Une impératrice à ses genoux guerriers s'attache et regrette un simple toit de chaume, Joséphine dont les pleurs sont journaliers, dont les pleurs sont vains, il la ravit, l'erreur d'un moment, le lien des époux, son bras impérial l'a rompu pour la vie. L'empereur attend que, sans retour jaloux, à son nouveau sort elle soit asservie, et de la fortune accueille bien les coups. Je veux à mon fils léguer mon héritage, qu'il récolte en paix mes semis les plus doux, puisque de la mort je subirai l'outrage. En frappant du pied je fais naître les fleurs, mais pour l'étranger je ne mets rien en gage, et ma race doit jouir de mes bonheurs. Joséphine entend et fait obéissance. Son amour répand les derniers de ses pleurs. Elle se relève et, près de défaillance, appuie un côté sur le fils des héros, puis sort vacillant, vraie ombre de puissance qui fuit les chagrins et l'éclat des châteaux. Et chacun la suit, et des regards humides lui disent merci pour les touchants propos qu'elle aimait tenir aux astres trop rapides. Mais lui reste seul sous ses toits ciselés, il reste tout seul sous ses voûtes splendides, avec sa couronne aux cent feux étoilés, avec les drapeaux des sanglantes victoires qui l'ont fait monter sur des sommets brûlés, inconnus du pied des plus illustres gloires. Il quiait son étoile, et dehors cependant, la nuée au ciel forme ses masses noires en larges colonnes et s'avance en grondant. Et dès que la nuit enveloppe sa tête de son voile sombre, un long frissonnement le saisit soudain, l'assoupit et l'arrête. Il se couvre alors du lugubre manteau qui l'a protégé dans plus d'une tempête et veut fermer l'œil effroi de maint héros. Cet homme pourtant, que dans les nuits bénies le bruit du canon ne réveillait point tôt, il soupire et tremble en proie aux insomnies. Il se tourne et roule au nœud de la torpeur. Il s'essouffle et lutte avec de noirs génies, de malins démons qui lui poignent le cœur. Et son aigle d'or sur son pâle visage vient battre de l'aile avec un bruit moqueur. La pourpre du lit reflète son image et frissonne au vent de son souffle inquiet. Tout à coup s'avance avec riche équipage un brillant jeune homme au radieux aspect. « Reconnais, dit-il, un envoyé céleste, qui veilla longtemps au bord de ton chevet. L'ange protecteur ici se manifeste, qui te précéda sur le pont de Lodi, chassa de Jaffa le souffle de la peste et paralysa tout effort ennemi. Lui qui t'éclaira dans la grande journée au champ d'Austerlitz de son soleil ami, il crie aujourd'hui « Gare à ta destinée !» Gare, écoute ici pour la dernière fois la voix du bonheur de ma plainte émanée et fais tes adieux au soleil d'autrefois. À l'esprit malin, tu viens livrer la terre. En répudiant l'épouse de ton choix, tu marques le terme à mon saint ministère. Tu vas demander, fier héros du moment, un frère jeton pour suivre ta chimère, un gage solide au destin inconstant. Fils des libertés, ta main audacieuse essaie à fonder ton bonheur insultant sur la royauté dix siècles glorieuses. Tu recevras donc le lot de l'insensé. Je ne suivrai plus ta course ambitieuse. Ton bon ange pleure et ton règne est passé. J'accompagnerai celle que tu renvoies et je conduirai son fruit au loin chassé d'un pas ferme et sûr dans les plus douces voies. Je t'ai vu rêvant quand ton vaste désir de chaque royaume amoncelait les proies et les partageait à des fils à venir. Mais si tout d'abord la ruine funeste accable ta tête au milieu des plaisirs, c'est moi qui ferai, d'après l'ordre céleste, monter mes élus au trône d'ici-bas, et jusqu'aux confins que la glace moleste, luire et rayonner les sceptres à leurs bras. Tu vois, loin d'ici des princesses l'aînée, goûtant le bonheur au milieu des frimas, tandis que la vague au nord affectionnée salue avec bruit les fils de son beau sein, cependant du sud la mer aiguillonnée vient baiser le bord et chuchote d'hymen. Voici le navire à la proue élancée qui vole au travers de son flot azurin porter à César sa jeune fiancée. Une impératrice a pris naissance au tronc que tu méprisas. L'écho de la chaussée répète les cris des matelots du pont. Elle le trouve orné de fleurs coteaux et villes. Nul cependant n'est en rose si fécond que, sous les baisers, sa pommette docile. Tu prendras aussi, sur un tronc noble et vieux, une fiancée à l'ardeur juvénile. Mais bientôt le ciel, qui maudira ce nœud, fera se lever une triste journée. Et le sombre éclat d'un palais tout en feu pourra te servir de flambeau d'Hyménée. La flamme ornera la nuit de ses lueurs, et pour souvenir de sa longue traînée, au seuil laissera des cadavres en fleurs. Quant à toi, le ciel aura perdu sa peine, sans repos au sein des amoureux labeurs, aux bras caressants d'une illustre sirène, lutteur éternel vers de nouveaux combats, tu suivras le vol de ton aigle romaine à l'extrémité des plus lointains climats. Il te semble voir une fraîche victime, vers ce dernier trône accélérons le pas. Prends garde à ce béant abîme, avant que la flamme aux vingt langues de feu te puisse éloigner du dessein qui t'anime, tu gagnes d'un coup la moitié de l'enjeu. Soudain, un frisson plein d'horreur te harasse, et tu sens ton corps serré par son milieu entre les sabots d'un froid monstre de glace. Il te retient ferme, et tu vas en avant, tu gardes l'espoir en ta sauvage audace, tu perds en rançon le plus pur de ton sang, et fonds en chemin la moelle de ta vie. Et le monde alors, qui reposa longtemps, vient reconquérir la liberté ravie. Les vols perpétrés par ton avide main, il va les venger en comblant son envie. Ton aigle orgueilleux, qui se croyait si fin, tournoie avec peur autour de ton vieux trône. L'arme des soldats brise le baldaquin et fend les fleurons de ta double couronne. Oui, mon empereur, tes états vont crouler, et ton propre fils ne recevra l'aumône d'aucun des bandeaux qu'ils auront fait branler. Pour toi, tu seras l'ange rempli d'alarme. Sous un dernier mot s'en allait l'accabler, quand sa triste voix étouffa dans les larmes. César pourtant crie en cachant ses douleurs. Le destin me garde encore quelque charme. Explique le don et modère tes pleurs. Tandis qu'il parlait, il sent comme une chaîne, une froide main qui, dans les profondeurs de plus en plus bas, et l'attire et l'entraîne. Il gît dans la tombe, un rocher sourcilleux pèse sur son sein, et la vague lointaine y roule son flot avec un bruit affreux. Rien qu'un souffle encore, mais l'onde qui l'adjure ne fondra l'Europe pour contenter ses vœux. Son cœur saignera sous sa rigide armure, et sur le tombeau penche un saule pleureur. Et le long du saule, un frère ruisseau murmure, et tous deux ici racontent son malheur. Il chante d'abord ses fameuses victoires, puis ses grands revers et sa vaste douleur. L'air en retentit au fond des roches noires, et tandis qu'il tremble en son étroit linceul, et combat en vain des spectres illusoires, le cauchemar fuit et le laisse tout seul. Il s'est réveillé, de rechef il respire, et voit s'éclairer les branches du tilleul. Tout son corps ressent la force qu'il désire. « Que me veut, dit-il, pareille vision ? Que me veut la mort et son chant qui déchire ? J'ai de mon destin meilleure opinion. Foin du rêve, en vain le corbeau fait malice. Sire de Neuchâtel, à vous la mission d'amener ici ma jeune impératrice. » Ce qui l'occupait, c'est l'ombre blonde et rose d'un bel enfant qui dort, la bouche demi-close, gracieux comme l'Orient, tandis qu'avec amour sa nourrice enchantée d'une goutte de lait au bout du sein resté agace sa lèvre en riant. Victor Hugo.